que je te dise, ces phrases qui nous sont à ce jour interdites, et regards me semblant déjà de trop. Je ne sais si je trouverai les mots qu'il faut. Je te garderai.